Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Eh bien oui, vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous écoutez Rock de Neurones, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, bien, on aura d'Italie Calce Disse il Tuono, on aura d'Angleterre John Holden, de la Suisse Clepsydra, de l'Allemagne Eloy, d'Angleterre, des Heliocentrics, du Canada, House of Nut, de la Russie, Aton 5, de la Biélorussie, on aura The Warm Ouroboros, et d'Angleterre, Traffic. Alors, ça nous amène au premier bloc de l'émission, qui est consacré, comme à l'habitude, à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, bien, le groupe qu'on va entendre, c'est la nouvelle formation italienne Calce Disse il Tuono. Alors ça, c'est le groupe qui a été formé par la guitariste du groupe Unreal City, Francesca Zanetta. Elle a été membre de ce groupe-là pendant cinq ans, en fait. Et depuis 2018, mais elle travaille avec le claviériste du groupe italien Cella Noise, et elle a fondé le groupe Calce Disse il Tuono. Et ils nous offrent aujourd'hui un album, leur premier, qui est quand même très attendu. L'album s'intitule « Il Velo Dei Riflessi ». Et les deux pièces qu'on va entendre, mais c'est « Il Bastone e Il Serpente » et la dernière pièce « L'Ono Sono Mi ». Alors, « Calce Disse il Tuono ». Sangue la scura stringe la notte, piena di niente, incubi e fate danza nel fuoco, nel mondo alieno l'uomo folle grida Dio! Sì, voi e Dio. danger, considéré qu'un des gueules classiques, c'est celui de l'on que nous sommes nés. Nous sommes formés d'intellectuels. L'intellectuel classique, c'était, au départ, quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec un musicien britannique du nom de John Holden. Il vient de faire paraître son deuxième album studio. L'album s'intitule Rise and Fall. Et la pièce que je vous propose, bien, c'est After the Storm. Ce sont des pièces qui ont bénéficié de l'apport de plusieurs musiciens invités, notamment Jean Pageau et Michel Saint-Père de Mystery. On a aussi Oliver Wakeman au clavier. Billy Sherwood, qui auparavant était pour Yes, bien entendu, et Nick Virgilio, le batteur de Spock's Beard, entre autres. Alors, c'est toute une pléiade de musiciens très talentueux et on va entendre la pièce After the Storm. Ensuite, on va aller du côté de la Suisse avec Klepsydra. Klepsydra qu'on connaît comme auteur de 5 albums studio. Et on va entendre aujourd'hui un extrait de l'album paru en 1994, More Grains of Sand, et la pièce est Birthday Party. Et en fin de bloc, mais on va aller du côté de l'Allemagne avec Eloy. Eloy qui nous donne une nouvelle, ben, en fait une compilation en 1993. La compilation s'intitule Chronicles 1 et c'est une compilation qui est destinée à remixer et rééditer certaines pièces qui originent des albums mythiques là, des années 70, dont Ocean et Silent Cries and Mighty Echoes. Dans le bloc 2, on va entendre la pièce Poseidon's Creation tirée de Ocean, et à la fin de l'émission, bien, on aura une pièce qui est tirée de Silent Cries and Mighty Echoes. Mais auparavant, on va aller du côté de l'Angleterre avec John Holden. Somehow. After the storm, a clearer sky. After the storm, this freedom earned. Lessons are learned. Thank you. Thank you. spheres beyond. Distributed the elements of earth. They laid down the foundation stone of highest spiritual birth. Which have existed since thousands of years, but is lost now in future and past. Light years away from our daily tears, those unperceived words which always last. Poseidon became Lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wealth, god of an island, they live a family with a daughter of beauty and health. Atlantis was the island's name, greatest treasury. Human eyes did never see the same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait. They call it the Kadams of Iraqis. Cleito was the daughter's name. Of clearness and love, so Poseidon fell in love with her and built a shrine and the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law. Who've been of supreme being at birth, of pure essence and perfect ages. What a divine possibility to overcome evil. So listen to what men do. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. J'ai trois nouveautés pour le bloc 3 de l'émission. Et en fait, trois nouveautés, dont deux qui sont issues en 2020, mais une autre qui était en 2018. C'est un groupe que je connaissais pas. Alors, j'ai trois groupes ici que j'ai découvert récemment. Le premier, c'est un groupe d'Angleterre du nom de Heliocentrix. Ils ont trois albums studio, dont le plus récent qui s'intitule Infinity of Now. Et je vous propose la pièce People Wake Up. Ça va être suivi d'un groupe que je connaissais pas, qui nous vient de Toronto. Et le nom du groupe, c'est House of Not. Ils ont quatre albums studio, dont le plus récent qui est paru en 2018. Cet album-là s'intitule Ever Gone and the Immaculate Spectacular. Et la pièce que je vous propose, c'est Come On In. Et Atten 5, c'est un groupe de Russie avec un album studio en 2018 et quelques EP et singles qu'ils ont regroupés sur une sorte de compilation qui est parue il y a quelques semaines. Et cette compilation-là s'intitule Childhood's End et la pièce c'est The Sun That'll Never Warm You. Alors on débute avec des Heliocentrix. Thank you. know that's not your style. Put up your feet, pass the smokes and the beer, let's eat. Take a look in the mirror, tell us, what do you see? But it's still intact. Judging by those scars, life's been hard. Take some time, play some guitar. Tell us where you've been and where you are. Thank you. as their known designs. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le dernier bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que toute l'information concernant la musique qui a été jouée durant l'émission et que vous allez entendre d'ici la fin, eh bien, l'information concernant les groupes, les chansons, les albums, la provenance des groupes et l'année d'émission de ces pièces-là, ça se retrouve sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, je vous invite à aller y faire un tour pour trouver la feuille de route en entier. On va débuter avec un groupe de Biélorussie, c'est The Warm Ouroboros. C'est un groupe qu'on connaît bien à l'émission puisqu'on a fait jouer presque l'intégralité de l'album qui est paru en fin 2019. L'album s'intitule Endless Way From You. Et il restait une pièce qu'on n'avait pas fait jouer. On va la présenter aujourd'hui. C'est Clouds to Owings Mills. Et on va retourner avec Eloy et un extrait de l'album Chronicles, en fait la compilation Chronicles 1. Et la pièce que je vous propose, bien, c'est The Apocalypse, qui originalement faisait partie de Silent Cries and Mighty Echoes, paru en 1979. Je rappelle que sur Chronicles 1, eh bien, toute l'information, en fait, la musique a été rééditée, remixée et la sonorité a été bonifiée. Alors, ça va être des Apocalypses. Et pour conclure, on va aller en 1971 avec un groupe que j'ai beaucoup aimé à l'époque. C'est Traffic et la pièce emblématique de Low Spark of High Heel Boys. Ça, c'est en passant, c'est tiré de la compilation Gold qui est parue en 2005. Alors, on y va avec The Warm Ouroboros. Thank you. Do we really think the world to be a creative oversight? Do we really think of senseless power? But forces will reveal, expose the true essence of things, the reason of all that has come to existence. No more silent cries will be able to divide low and lonely in the night. Vibrations of truth will come for us. Will we ever find out what means to be? Will we spread it out the day we see? Why we still think of everything to be alright.

nothing in return. Would you do the same for me as I would for you? Vous venez d'entendre, c'est le groupe britannique Traffic et la pièce Low Spark of High Heel Boys. Ça, c'est paru en 1971. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 251e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Alors, vous allez sur SoundCloud, vous tapez dans la barre de recherche « Rock de Neurones » et vous allez accéder à l'émission courante de cette semaine. Si vous voulez aller du côté un peu plus ancien, bien, en consultant la page Facebook, vous allez avoir un lien sur le archive.org. On a 170 émissions qui sont archivées. Alors, de plus, sur la page Facebook de l'émission, bien, on a plusieurs informations concernant les nouvelles sorties d'albums, mon top 5 déjà de l'année 2020 qui est disponible aussi, et d'autres palmarès, notamment au niveau de palmarès italien. On a aussi des liens pour des émissions spéciales. Des émissions spéciales, par exemple, sur le rock progressif de la Finlande, de l'Espagne, de la Turquie, de l'Italie. Alors, ce sont des émissions qui sont assez uniques, dans le sens que vous ne trouverez pas pareille programmation là, sur les ondes. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.